Maintenant, je n'avais plus d'amis. Je ne reconnaissais plus la ferme. Tous ces gens s'y mettaient à leur aise, et il me semblait que c'était moi, la nouvelle venue. La servante me regardait avec méfiance, et les laboureurs évitaient de me parler. La servante s'appelait Adèle. Tout le jour, on l'entendait bougonner et traîner ses sabots. Elle faisait du bruit même quand elle marchait sur la paille. À table, elle mangeait debout, et elle répondait sans politesse aux observations des maîtres. Monsieur Alphonse avait fait enlever le banc de la porte et mettre à sa place des petits arbustes verts qu'on avait enclos d'un treillage. Il avait fait aussi enlever le vieil orme où la hulotte était venue chanter les soirs d'été. Il devait y avoir longtemps que le vieil arbre ne donnait plus d'ombrage aux seuils de la maison. Il ne portait plus qu'un bouquet de feuillage tout en haut, et cela lui faisait comme une tête qui se penchait pour écouter ce qui se disait en bas. Les bûcherons qui vinrent pour l'abattre furent d'avis que cela ne serait pas facile. Ils menaçaient, en tombant, de démolir la toiture de la maison. Enfin, après bien des discussions et bien des tours autour de lui, on décida de l'enserrer de grosses cordes qui le feraient pencher et l'obligeraient à tomber sur le fumier. Il fallut la journée de deux hommes pour l'abattre, et au moment où on croyait qu'on allait le coucher tranquillement, une des cordes se desserra et le vieil orme se releva pour retomber de côté. Il glissa sur le toit en entraînant la cheminée et une grande quantité de tuiles, et après avoir accroché le mur, il se coucha en travers de la porte, et pas une de ses branches ne toucha le fumier. Monsieur Alphonse ne put retenir un cri de colère. Il saisit la hache d'un des bûcherons, et il frappa l'arbre d'un coup si violent qu'un morceau d'écorce sauta dans la fenêtre de la lingerie et cassa un carreau. Madame Alphonse vit des éclats de verre tomber sur moi. Elle se leva avec une vivacité que je ne lui connaissais pas, et avec ses mains tremblantes et des yeux peureux, elle examina minutieusement chaque endroit de la nappe que j'étais en train de broder. Mais elle ne vit pas que j'essuyais avec mon mouchoir une petite coupure que le verre m'avait faite à la joue. Elle eut si peur qu'il n'arrive à malheur aux piles de linge qui commençaient à s'entasser, qu'elle m'emmena le lendemain chez sa mère pour me faire voir comment il fallait ranger les armoires. La mère de Madame Alphonse s'appelait Madame Deloy, mais quand les laboureurs parlaient d'elle, ils disaient toujours « la bourgeoise du château ». Elle n'était venue qu'une fois à Villevieille. Elle s'était approchée de moi et m'avait regardée de très près en clignant des yeux. C'était une grande femme qui marchait courbée, comme si elle cherchait quelque chose par terre. Elle habitait le grand domaine du Gué perdu. Madame Alphonse prit un sentier le long de la petite rivière. On était à la fin de mars, et les prés étaient déjà tout fleuris. Madame Alphonse marchait tout droit dans le sentier, mais moi, j'avais un grand plaisir à marcher dans l'herbe molle. On arriva bientôt près du grand bois où le loup m'avait pris un agneau. J'avais gardé de ce bois une frayeur mystérieuse, et quand on quitta le sentier de la rivière pour prendre un chemin qui traversait les bois, je fus prise d'une véritable épouvante. Cependant, le chemin était large. Il devait même y passer souvent des voitures, car les ornières y étaient profondes. Au-dessus de nos têtes, les aiguilles des sapins crissaient continuellement en se frôlant. Cela faisait un bruit doux et léger, qui ne ressemblait en rien au chuchotement sec et coupé de silence que le bois avait fait entendre quand il était chargé de neige. Malgré cela, je ne pouvais m'empêcher de regarder derrière moi. On ne marcha pas longtemps dans les bois. Le chemin tournait à gauche, puis on se retrouva tout de suite dans la cour du Gué perdu. La petite rivière passait derrière les étables comme à Vieilleville. Mais ici, les prés étaient très resserrés, et on eût dit que les bâtiments voulaient se cacher dans la sapinière. La maison d'habitation ne ressemblait pas aux fermes des environs. Le bas était en fait de vieux murs très épais, et le premier étage paraissait avoir été posé dessus en attendant. Je ne trouvais pas que cette maison eût l'air d'un château. Elle me faisait plutôt penser à une vieille souche d'arbre, à laquelle serait sorti un rejeton malvenu. Madame Deloy parut sur le pas de la porte en nous entendant venir. Elle me regarda encore en clignant des yeux. Elle dit tout de suite à haute voix qu'elle avait perdu un sou dans la paille, que c'était bien étonnant que, depuis 8 jours, personne ne l'eût encore trouvé. Tout en parlant, Elle remuait avec son pied la mince couche de paille qui était devant la porte. Madame Alphonse ne devait pas entendre. Ses gros yeux fixaient l'intérieur, et ce fut presque avec ardeur qu'elle expliqua le motif de notre visite. Madame Deloye voulut me conduire elle-même à la lingerie. Elle mit les clés sur les armoires, et après m'avoir recommandé de bien faire attention et de ne rien déranger, elle me laissa seule. J'eus vite fait d'ouvrir et de refermer les grandes armoires reluisantes. J'aurais voulu m'en aller tout de suite. Cette grande lingerie froide m'épouvantait comme une prison. Mes pas résonnaient sur les dalles, comme s'il y avait eu en dessous des caveaux profonds. Il me sembla tout à coup que je ne sortirais plus jamais de cette lingerie. Je tendis l'oreille pour écouter le bruit des bêtes, mais je n'entendis que la voix de Madame Deloye. C'était une voix forte et rauque qui traversait les murs et pénétrait partout. J'allai vers la fenêtre pour me sentir moins seule, quand une porte que je n'avais pas remarquée s'ouvrit brusquement derrière moi. Je tournai la tête et je vis entrer un jeune homme qui portait une longue blouse blanche et une casquette grise. Il s'arrêta comme s'il était surpris de trouver quelqu'un là. Et moi, je continuais de le regarder sans pouvoir détacher mes yeux de lui. Il traversa la lingerie sans que nos regards se soient quittés, et il s'éloigna après s'être cogné contre la boiserie de la porte. Une minute après, il passa contre la fenêtre, et nos regards se rencontrèrent encore. J'en restai mal à l'aise, et sans savoir pourquoi, j'allais fermer les portes qu'il avait laissées ouvertes. Un moment après, Madame Alphonse vint me chercher, et je repris avec elle le chemin de Villevieille. Depuis que M. Alphonse avait remplacé Pauline, j'avais pris l'habitude d'aller m'asseoir sur un hou en forme de siège qui se trouvait au milieu d'un grand buisson peu éloigné de la ferme. Maintenant que le printemps venait, j'y allais à l'heure où les laboureurs fumaient leurs pipes sur le seuil des écuries. J'y restais longtemps à écouter les bruits du soir, et un grand désir me venait de ressembler aux arbres. Ce soir-là, il m'arriva de penser à l'homme du gué perdu. Mais chaque fois que je voulais fixer la couleur de ses yeux, ils entraient si profondément dans les miens qu'il me semblait que j'en étais tout éclairée.